Irak, Palestine, Liban, verse le sang. Israël, USA, même combat, même direction. Pendant que nos frères s'acquittent de la zakat et leur cotisent pour le Mossad. Ne parle pas de tolérance, d'intégration, je vais devenir malade. Ils réclament la légitimité d'une terre qui leur a été retirée depuis des siècles par le créateur. J'en veux pour preuve les textes bibliques. On nous bassine encore avec la seconde guerre en nous faisant croire que dans ce conflit les nôtres ont pas souffert. Notre foi nous protégera pas des balles mais des flammes de l'enfer. Soyez-en sûrs, on lâchera pas l'affaire. Une chance pour vous qu'on soit pas solidaires les uns les autres. Sinon c'est garanti pour vous, ce serait la grosse merde. Faut que je fasse gaffe à mes propos pour pas tomber sous le coup de la loi Nuremberg et pas me retrouver en mauvaise posture comme le Titanic sur un iceberg. Pour l'heure, les nôtres souffrent, putain d'hécatombe. L'ignorance et le refus de l'histoire pour un grand nombre d'entre nous est une aubaine pour les ennemis de l'islam. Et pour tous ceux qui me comprennent, salam. Ceux qui me comprennent, salam. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire. Une fois de plus, la guerre éclate et les Ricains ont approfondi le pacte avec les Israéliens. On change de cible mais le lien reste le même. On chasse le terrorisme islamiste là où il est. Cette fois-ci c'est le Liban en attendant la Syrie et l'Iran et son chat. On combat le Hezbollah, Ben Laden et ses mollahs. Pour puiser le fric, le pétrole, le flic du monde tient son rôle à cœur. Un rôle des militaires qui coûteront pas cher mais qui se battront pour les United States of America. Et un monde meilleur sans islam mis à feu et à sang sous les flammes. Américains fournis en armes ceux qui vont se faire péter la tête. Et n'oublie pas leur ration de beurre de cacahuète. L'oncle Sam du Texas c'est ce qu'il a à faire. Faire reculer l'islam et agrandir ses affaires. Dans le monde entier, s'il y a quelque chose à gratter, attends-toi à voir un ricain sur un char. Flinguer un père et filer à son fils un chewing-gum. En somme, attends la démocratie. Elle arrive à petit pas, fusil à la main. Elle s'occupera de toi, surtout si t'es un muslim. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah le protège du pire. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire. Quand j'aurai à marcher dans la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai rien parce que je suis le pire des charognards de cette saloperie de vallée. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire. Parole de muslim pour tous nos frères d'Irak, du Liban et ceux de Palestine. Parole de muslim pour tous ceux d'ici et d'ailleurs, la volonté d'Allah nous protège du pire.